Le 11 septembre, c'est Bush qui a tout décidé. Il avait les informations, puis il l'a pas dit. Maurice, viens souper! Il bloguait tout sous-sol. Ouais. Chez le maman. La journée d'avant, c'était Bush qui avait créé le 11 septembre 2001. En 2014, ils sont encore là-dessus. Des fois, il y a l'avion aussi. Là. L'histoire de l'avion. L'avion, ouais, tout le monde sait où l'avion. Ils veulent pas nous le dire. Ouais. Ah, il y a aussi que la radio de Québec aussi fait de la propagande. Ah non, ça, excuse, c'est une journaliste de Radio-Canada en fin de semaine, excuse. Ouais, mais ils ont le droit de paranoïer ouais, aussi, eux autres. Ouais, ouais, ouais, ouais. Des gens qui pensent par frustration, parce que Le Devoir et Radio-Canada, c'est des gens qui veulent que vous votiez péquiste. Et eux autres pensent, les médias, de la façon que ça fonctionne, c'est beau pouvoir se crisser du monde quand tu travailles à la télévision d'État. Hein. Ouais. Eux autres pensent que quand les médias ont un bon rôle de pédagogue parce qu'on est plus intelligent que les gens parce qu'on est dans les médias, ben les gens sont obligés de nous suivre. Puis là, ils se rendent compte qu'ils ont aucun impact sur le monde. Fait que là, ils capotent un peu, puis là, ils se disent, tabarnouche, c'est quoi qui se passe? Ouais. Ah ben, ça doit être la faute des radios qui disent pas la même chose que nous autres. Aïe, ça, là. Ouais. Les gens sont assez idiots pour les suivre. C'est parce que, chers amis de Radio-Canada, nous autres, là, la seule façon de garder un microphone ouvert à Québec, dans le milieu compétitif dans lequel on est, là, c'est d'avoir le discours que les gens ont le goût d'entendre. On arrive ce matin et on dit au monde de voter PQ. Ouais. Premièrement, on fera pas voter un chat PQ. On fera pas voter personne PQ. Comme on fait voter personne pour la CAQ. Comme on fait voter personne pour les libéraux. Si notre discours touche les gens, c'est qu'ils se sentent concernés puis qu'on parle de ce qu'ils ont le goût d'entendre. Et si c'est le cas, on garde nos jobs. Si c'est pas le cas, on perd nos jobs. Ouais, pis je sais que c'est dur à comprendre quelqu'un qui travaille à Radio-Canada, là, mais les gens ne sont pas stupides. Les gens choisissent eux-mêmes. C'est pas les radios qui les guident. Puis en passant, là, message aux gens de Radio-Canada, les gens écoutent ce qu'ils veulent à Radio en passant. Là. C'est eux autres qui payent vos salaires aussi, by the way. Ben oui. Vous méprisez ceux qui paient vos salaires de Radio-Canada. Puis écoutent ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés d'écouter Radio-Canada. Et si on veut parler de parti pris en politique, personne de toute l'antenne de Radio X, à Montréal, à Québec ou à Saguenay, a été plus pourri qu'Anne-Marie Dussault a été pourri dans le débat. Fait que sacrez-nous patience, couvrez l'élection comme vous voulez, puis si vous vous cherchez des excuses et des raisons pour le mystère Québec, faites ce que vous faites pas souvent, là. Descendez sur le trottoir, puis allez poser des questions aux gens qui se promènent. Sortez de Saint-Roch, là, puis de la rue Saint-Jean. Là. Ouais. Faire un petit tour au Normandin, à Saint-Ville, sur le boulevard du Jardin, vous allez voir de quoi le monde parle. Vous allez voir. Les gens sont tellement écœurés du PQ qu'ils sont prêts à voter libéral, le même parti, le même gouvernement qu'ils ont chassé à grands coups de pied dans le cul il y a même pas 2 ans. Ouais. Ça vous montre-tu à quel point les gens ne veulent plus rien savoir du Parti québécois? Ça n'a rien à voir avec les électeurs ontariens des cégeps. Ça n'a rien à voir avec les radios de Québec. Ça part juste du monde qui regarde les choses aller puis qui se disent, sérieux, là? Un livre blanc, un troisième référent. Sérieux, ouais, là? L'agenda linguistique est de retour aussi. Pauline, elle l'a dit hier. Pensez vraiment que le monde a besoin de se faire laver le cerveau pour prendre une décision? C'est-tu être méprisant envers le monde? Terrible. C'est épouvantable. Terrible. Épouvantable. Moi, je sais sont où les vrais stupides. C'est les gens qui pensent ça, que les radios ont une incidence sur le vote. Faut être stupide pour penser à une affaire de main. As-tu entendu PKP en fin de semaine? Il continue d'être très, très honnête, là. Et en même temps, de mettre un peu son parti dans l'embarras, là. La belle honnêteté de Pierre-Carl Péladeau fait en sorte que le PQ montre son vrai visage et que plus personne veut voter pour eux autres. C'est